Thank you. histoire de m'amuser. J'ai ça pour mon pro, je vais pas abuser. Je vais plutôt m'entraîner pour mon truc. Histoire que tu te casses la nuque, ok. Qu'est-ce que je trouve comme rime? Qu'est-ce que je trouve comme phrase? Je ne sais pas, je vais essayer de faire un truc trop naze. Sais-tu que le mouvement racine est là? De l'aristocratie qui s'y aussi du MIC. Sais-tu que si le hip-hop est mort un peu, sais-tu que c'est le jour où Buffa, sais-tu. J'espère que tu reviendras bientôt, que sais-tu. Mon frère entre quatre murs, j'espérais qu'il t'écoute. Frisson dans l'ossature, j'en place une coupe pour tous ceux qui savent que c'est dur. Je suis conscience que tout n'est pas que science, que l'amour et le partage commencent par la confiance. As-tu déjà goûté le calumet? Es-tu déjà entré en transe? Sais-tu que le bordel de l'entrée? Sais-tu quoi? Sais-tu ça? Véritable espoir, ce n'est pas de croire, mais de savoir qu'un avenir moins noir peut exister. Ce système est limité, ni notre humanité chie sur notre dignité. Faut le quitter, je te laisse méditer sur le problème ou l'éviter. Et moi je vais aller faire ce que je sais, faire des crimes prémédités. Débiter des rimes, yo, comme un excité. Derrière un micro magité, on compte moins que des unités. Tu sais que c'est la vérité, y'a d'autres possibilités. Faut cogiter afin d'en faire des réalités. Le savoir, c'est le pouvoir. Je te l'ai assez répété, non? Ça sent même, ça sent même. Yo. Thank you. Thank you. Thank you.